Le chant du raid résonne dans la nuit. Restez sauvage, la guerre s'enfuit. Les caisses tombent, la bataille commence. Raid est-ce qu'il veille, prêt pour la danse. Faiblit, c'est le chant du raid, le stream.